C'est en plein cœur de l'hiver que l'on peut apercevoir l'une des espèces les plus étranges de notre planète, le bonané. Après 11 mois d'hibernation forcée, les bonanés viennent de se réveiller. Mâle. Ah, au fait, bonne année, Josiane. Bonne année. Femelle. Jeune. Ah, salut, bonne année. Vieux. Bonne santé. Partout, c'est un chant qui s'élève comme un hymne à la vie retrouvée. Mais attention, sous un aspect jovial et sympathique, les bonanés obéissent à un système complexe de sous-espèces qu'aujourd'hui encore nos chercheurs ont du mal à établir entièrement. On peut d'abord entendre le bout en train, qui ne se déplace qu'en groupe. Puis, discrètement, vient le matheux et son amour inconsidéré pour la précision. Les femelles ne sont pas en reste. Et c'est souvent à plusieurs qu'elles se manifestent en poussant des cris stridents. Ah, bonne année ! Ah, bonne année ! Toi aussi ! Un cri différent se fait tout à coup entendre. Bonne année ! Un cri qui domine tous les autres. Hey, c'est l'éthylique. Copain, bonne année ! Plus lourd que ses congénères, bonne année. L'éthylique va rapidement faire fuir les autres espèces. Casse-toi, t'es lourd ! Heureusement, la gêne occasionnée dure peu de temps. L'éthylique s'éloigne sans faire trop de bruit. Et bien vite, les bonnes années reprennent leur activité. Pendant un mois, les bonnes années vont ainsi renaître à la vie. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. La fin de la saison approche. Nous sommes au début du mois de février, le premier jour exactement. Et chose étrange, c'est le jour que choisissent les bonnes années pour retourner à leur profond sommeil. Rien ne viendra désormais, jusqu'à l'année prochaine, perturber les bruits de la nature. Bonne année. Rien ne viendra désormais jusqu'à l'année prochaine perturber les bruits de la nature qui, alors, reprend ses droits. Mais tu vas la poser, ta chiotte, là ? Ta gueule, pédé !